Alors, vous avez déjà donc perçu tous les problèmes qu'il y avait au niveau du gouvernement. Ah, évidemment. Et dans votre vie quotidienne. Écoutez, je vous dis franchement, je parle trois langues. Je parle l'anglais, l'allemand et le français. Et tous les dimanches matins, j'étais couché jusqu'à midi à écouter les commentaires de Moscou en anglais et en allemand et en français. Les commentaires d'Angleterre et allemand. Alors donc je me suis fait l'ambition. Moi je voyais la guerre déjà. Moi je voyais la guerre venir. Je savais que la guerre venir. Parce que la façon Goebbels parce que tous les dimanches matins, vers les 11h, il y avait des discours de Goebbels. Et ce discours, je ratais pas. Parce que c'est un des plus grands orateurs qui a jamais existé. J'avais ce moment-là 33 ans. Non, oui. Non, bon, admettons. Oui, 32, 33 ans. Mais il m'a presque emballé. La façon qu'il est arrivé à convaincre la jeunesse allemande, hein, que le nazisme, ce que Hitler construit, hein, par le sang et par l'épée, il a formé une religion. C'était une religion. C'est une religion. Et obligatoirement, la jeunesse est obligée de marcher. La façon qu'il a tourné ses phrases. Alors donc j'étais convaincu, je dis si ça continue comme ça, ça va y aller. Je ne faisais aucune illusion. Oui. Aucune illusion.